Bonsoir tout le monde, c'est lundi 6 octobre. Vous écoutez l'émission Le Terminus, je m'appelle Jean-François Lusignan. Le Terminus, c'est une émission dédiée au rock indépendant, un peu de grunge, un peu de shoegaze, un peu de, c'est ça, de l'indie rock en général. Un aperçu de ce que vous allez entendre ce soir, ben il va y avoir du Teen Mom, du Smudge, un groupe australien, oui, du Clues, du Lower, également aussi une nouveauté de Speedy Ortiz, groupe qu'on entend assez fréquemment à l'émission. Ben bon, ils sortent des chansons souvent, alors on va en entendre une à nouveau ce soir. Puis toute la liste des chansons que vous allez entendre se retrouvera à la fin sur le CISM893.ca. Pour le premier segment de l'émission, je propose d'entendre quatre groupes dans l'ordre inverse. Il y aura du Silver Dapple, Honey Blood, We Are Trees, mais pour commencer du vieux Yola Tengo, de l'album Electro Pura qui paraissait en 1995, ce sera Tom Courtenay de Yola Tengo. Donc ensuite, ce sera la chanson I Don't Believe in Love de We Are Trees, mais pour l'instant, Yola Tengo, le Terminus, CISM, ça commence à l'instant. Julie Christie, the rumors are true. Pages turn, the eyes are blue. To the movie star and a sordid life. Mr. X, his own suffering wife. I spent so much time dreaming about Eleanor Barr in my room. Strong. See her in the yard. De Silver Dapple avec I Hate My Birthday, une chanson essentiellement ou majoritairement avec des paroles en français et qui se retrouve sur un mini-album qui porte le même nom, paru le printemps dernier, disponible toujours sur le silverdapple.bandcamp.com. Juste avant, il y avait du Honey Blood, qui est un duo féminin écossais formé de Shona McVicker à la batterie et de Stina Marie Claire Tweeddale à la voix et guitare. Et leur premier album, qui s'appelle Honey Blood également, décidément en manque d'inspiration, est sorti le 15 juillet sur Fat Cat Records, label également de l'Écosse. On va continuer maintenant avec une compilation assez cool qui est sortie en fait en format numérique il n'y a pas tellement longtemps. Une compilation qui était d'abord sortie en format cassette pour le Record Store Day qui a lieu à chaque année le troisième samedi du mois d'avril. Donc, compilation préparée par l'équipe new-yorkaise de l'étiquette Rough Trade Records. Donc, compilation d'artistes que les gens de ce label-là aiment, dont les artistes américains et anglais, donc des nouveaux artistes. Compilation qui s'appelle 80N7. Toujours .bandcamp.com pour la télécharger gratuitement, cette compilation-là, parce que en format physique, format cassette était disponible seulement à 150 copies, donc ça c'est rapidement parti, la journée du Record Store Day. Tout ça pour dire qu'on va écouter une chanson d'un artiste, donc Teen Mom, qui se retrouve sur cette compilation-là. choisi pour vous la chanson Naked in the Eyes of My Love. Le tout sur le 89.3 CISM, le Terminus, jusqu'à 20h. Oh, talk of all the time. Rotation by rotation by rotation on the same echelon. Le groupe australien Trichichus avec Bantadine, une chanson que j'ai trouvée, mais en fait, qui était disponible sur Bandcamp il y a quelques mois, peut-être il y a une année environ, donc, et qui ensuite n'était plus disponible. Le groupe a disparu après cette chanson. Je ne sais pas s'ils avaient honte de l'avoir lancée. En fait, le groupe a disparu, plus de traces de Trichichus, groupe australien, la chanson Bantadine. Juste avant, c'était un autre groupe du même coin de l'Australie, Gold Glass avec Michael. Une chanson des sonorités Britpop là, qui faisait penser à certains moments à The Smiths ou même Stella Star, Interpol aussi par moment. Enfin, Gold Glass, ils ont aussi un Bandcamp, goldglass.bandcamp.com. C'était cette chanson de Michael, ça se trouvait sur un 7 pouces qui est sorti il y a quelques semaines, qui est avec une autre chanson, la chanson Gone. Le prochain groupe vient lui aussi du même pays, cette fois-ci de la capitale Sydney, donc le groupe Smudge, groupe mené par Tom Morgan, qui a aussi fait partie des Lemonheads dans sa carrière, de la compilation des Smudge is True, qui couvre les années 1991 à 1998 de la formation Smudge. J'ai choisi pour vous la chanson Hot Potato, ensuite ça sera suivi par la formation Euphoria Again avec le titre Big Star, tout ça sur le terminus sur les ondes de CISM. Smudge, allez-y. Yeah. Maybe. Doomsday, une nouvelle chanson de Speedy Ortiz lancée il y a quelques jours afin d'amasser des fonds pour un organisme qui fournit des instruments dans les écoles américaines. Donc, une compilation que vous pouvez retrouver sur le famousclass.bandcamp.com. Et si vous voulez voir Speedy Ortiz en spectacle, eh bien, ils sont venus au mois de juin dernier. Je crois que c'était le soir de la Saint-Jean, mais là, ils sont de retour le 28 octobre au Ritz, l'ancien île motorisée sur Jean Talon, en compagnie, donc en spectacle, en compagnie de Curvy Tash, un groupe local, et XX, le nouveau groupe de Mary Timoney de Wild Flag, entre autres. Et avant, dans les dernières minutes, il y avait, avant Speedy Ortiz, il y avait aussi la musique de Clue. C'était une version, en fait, une version alternative de You Have My Eyes Now, qui paraissait sur leur seul album en carrière. Mais là, c'est une version un peu plus dépouillée de cette chanson. Et auparavant, il y avait Euphoria Again avec Big Star. On va continuer en français avec une formation française, Bâton Rouge, la chanson Côte de Pie, sur Le Terminus. again. Lost weight, perfect skin will bring the dormant to an end. Put the smile back on my lips. It's a crying shame to feel the same as in the last decay. It was tough then, but now it's unbearable. C'était Naishu Nushu avec Interférence Destructive, Nushu, formation locale montréalaise. Juste avant, c'était Lauer avec Lost Weight Perfect Skin. Le groupe danois sera en ville le 17 octobre à la Vitrola sur Saint-Laurent, en compagnie de leurs compatriotes également scandinaves Ice Age. Donc, tout un show en perspective, donc le 17 octobre prochain. Ben, reste à l'écoute sinon pour la prochaine émission qui s'en vient. Cette émission, Nous sommes les rockeurs de Romane Blouin. Elle aura d'ailleurs un invité ce soir, Luc Brien des Breastfeeders, qui parlera entre autres de la compilation